Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs, bonsoir. Faut-il une loi pour lutter contre les fausses informations en période électorale ? Madame, monsieur, bonsoir. Trouble à la paix publique, c'est une notion extrêmement resserrée qui est définie par la jurisprudence. Bonjour, bienvenue sur MMB. Aujourd'hui, on vous présente notre premier épisode où il s'agira de parler de la guerre des plateformes et surtout de ses victimes collatérales. Une petite contextualisation s'impose. On est loin du temps du vidéoclub par correspondance. Aujourd'hui, on peut le lire partout et j'imagine que vous l'avez déjà vu, c'est une guerre qui s'annonce. Un combat du stream, le choc des titans, sans bête antique, mais avec des acteurs comme Netflix, Amazon Prime, Apple TV+, bientôt Disney+, HBO Max et la plateforme française Salto. Il semblerait que tous les mastodontes de l'audiovisuel sont en marche. L'année 2020 laisse place à une guérilla. Combien restera-t-il de survivants ? En 2014, Netflix intègre le marché français, venant concurrencer Canal Play. Maxime Sada, directeur général du groupe Canal+, annonce « Canal Play est passé de 800 000 à 200 000 abonnés. En deux ans, on a été rayé de la carte sur ce marché, qui est en train de substituer à la télévision. » Ici, on assiste finalement à la modification du paysage audiovisuel par la plateforme Netflix, en redessinant les habitudes des consommateurs et en permettant une mise à disposition de centaines de contenus. C'est une sorte, finalement, d'orgie visuelle. Bref, la plateforme mondialement connue pour son système de personnalisation des offres bouscule, aujourd'hui, l'audiovisuel et les politiques qui vont avec. La réforme de l'audiovisuel en France tente d'adapter la législation à ces plateformes étrangères. Les soumettre à l'exception culturelle, tel est le rêve du législateur. Mais surtout des chaînes télévisuelles. C'est bien les groupes audiovisuels, privés, qui se sentent lourdement fragilisés avec toutes les contraintes qui entourent ces médias. Alors TF1, M6 et Altice ont choisi de faire front ensemble sous le nom de Salto. Ils créent leur propre plateforme de SVOD. Donc voilà, la contextualisation. Aujourd'hui, en 5 ans de présence en France, Netflix a déjà conquis plus de 6 millions d'abonnés. Du côté d'Apple TV+, avec sa série The Morning Show, il a dû débourser 15 millions par épisode. C'est plus que la dernière saison de Game of Thrones qui s'élevait à 100 millions d'euros. Mais alors, que nous réserve la décennie à venir ? La télévision survivra-t-elle face à cette guerre des plateformes ? Bonjour à tous, c'est Juliette sur MMB. Nous sommes en présence aujourd'hui de Monsieur Jazouli, doctorant en droit public à UT1, mais aussi responsable pédagogique des étudiants du master de droit des médias et de la communication, ou bien bourreau de ces derniers, comme il le dit dans sa bio Twitter. Et nous allons donc l'écouter, faire une chronique sur les enjeux du numérique et des nouvelles plateformes. Et nous allons lui poser quelques questions auxquelles il va répondre autour de tous ces enjeux. Bonjour monsieur. Mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir. D'abord, féliciter les étudiants du M2 Droit des Médias que j'ai la chance de, alors on ne pourrait pas dire diriger, mais responsable pédagogique depuis quelques temps maintenant pour ce beau projet et pour ce premier épisode. Donc, un rapide état des lieux de cette crise, de ce mouvement des plateformes audiovisuelles plus que numériques, puisque numérique englobe largement les réseaux sociaux, les plateformes de musique, etc. Donc je vais me contenter de parler de l'audiovisuel. D'abord, pour reprendre les mots de la contextualisation, c'est vrai qu'un choc des titans me fait un peu sourire, puisque pour moi, choc des titans ne signifie pas forcément le choc de plusieurs gros mastodontes du numérique, mais me rappelle étrangement le film de Louis Leterrier, Le choc des titans, qui fut un grand succès au box-office, malgré la présence de Mouloud Achour dans son casting. Donc je dirais pas un choc des titans, mais plutôt une opposition frontale entre des logiques différentes. J'y reviendrai. Donc, comme vous le savez certainement, Netflix est arrivé en France dans les années 2014, après avoir commencé aux États-Unis par de la location par correspondance de vidéos, donc de films et de séries. Ils ont décidé de se numériser. Bon, Reed Hastings, le patron de Netflix, était déjà habitué du numérique puisqu'il était dans les fondateurs de PayPal, et donc a décidé de partir sur la numérisation et est devenu en très peu de temps, en moins de 10 ans, le leader absolu du marché de la vidéo en ligne, à tel point même que certains, j'en fais partie mais il y en a d'autres, évoquent le fait que Netflix a peut-être fait mieux, beaucoup plus pour le secteur audiovisuel que la Hadopi en cadre de la protection du droit d'auteur, puisque les mentalités, les façons de faire ont changé en quelques années, et on est passé d'une période où le numérique représentait quand même cet Eldorado où on pouvait aller piocher par la voie du peer-to-peer ou du streaming n'importe quelle série ou n'importe quel film. Aujourd'hui, on passe plutôt par des opérateurs comme Netflix, comme Disney, j'y reviendrai. Donc l'année prochaine, cette année déjà, même ça a commencé, mais l'année prochaine aura véritablement lieu ce choc des titans que vous évoquez, avec l'entrée sur le marché de Disney+, donc la plateforme de Disney. Donc pour quand même contextualiser sur Disney, il s'agit de la mise à disposition du catalogue de Disney, ce qui veut dire évidemment le catalogue Disney classique, la Belle au bois dormant, les 101 Dalmatiens, etc. Mais aussi tout le contenu de Lucasfilm, donc Star Wars, etc. Et évidemment, le contenu de Marvel, les Avengers, les Thor, etc. Il faut y rajouter aussi que Disney est détentrice de la chaîne ABC, on y reviendra, puisqu'il s'agira de traiter des plateformes de télévision classiques. Et donc, tout le contenu de ABC et d'une partie de la Fox sera aussi disponible sur cette plateforme. Au-delà de Disney+, nous avons Warner, qui se lance sur sa propre plateforme, intitulée HBO Max, hein, du nom de sa chaîne phare. Warner, qui est, depuis déjà à l'époque, sa fusion avec AOL, et aujourd'hui sa fusion avec AT&T, la plus grande entreprise de communication du monde, qui à la fois travaille sur les télécommunications et à la fois sur les communications, donc les contenants. J'y reviendrai également sur HBO. Autre plateforme, évidemment, Apple Plus, qui se relève donc de la chaîne La Firme à la Pomme. Étonnamment, ça relève d'une autre logique que ces autres opérateurs, j'y reviendrai, et celle qui existe déjà, Amazon Prime Video, qui existe en France depuis un peu plus de 2 ans, et qui propose de plus en plus de choses, encore une fois dans une logique tout à fait différente. Je contextualise donc. Disney+, Netflix et HBO Max ont vocation à diffuser et produire des produits audiovisuels, à vocation capitalistique évidemment, mais c'est leur fonds de commerce, c'est pour ça qu'ils existent. Ils ne vendent rien d'autre que des produits audiovisuels. Donc Netflix, je le disais, va produire et diffuser The Witcher bientôt, HBO va lancer un spin-off de Game of Thrones, et Disney, là, s'est lancé avec The Mandalorian, un spin-off de l'univers Star Wars. Alors que Apple Plus et Amazon Prime Video, eux, relèvent d'une logique tout à fait différente de la télévision. Amazon Prime Video, pour reprendre les termes de Jeff Bezos, n'existe que pour vendre des chaussures. L'idée de Jeff Bezos a été de créer une plateforme où il allait réunir des produits d'Apple. Alors, en l'occurrence, il a été annoncé qui produisait la série Le Seigneur des Anneaux avec un budget, je crois, de plus d'un milliard de dollars, un budget faramineux. Tout ça pourquoi ? Pour attirer l'usager, nous, sur le site d'Amazon, prendre l'abonnement Amazon Prime et commander, juste après avoir regardé Le Seigneur des Anneaux, un poster Seigneur des Anneaux, une épée Seigneur des Anneaux, une paire de chaussures, ses canons de Noël. Donc la logique ici est une logique de produit d'appel et plus du tout de production audiovisuelle classique. Pour Apple Plus, là aussi il y a une logique différente, puisque Apple d'abord est d'abord un constructeur, et également un fournisseur de logiciels, mais d'abord un constructeur d'outils informatiques. Donc il va construire votre iPhone, il va construire votre Mac, il va construire l'iOS qu'il y a sur votre iPhone, mais il n'est pas normalement producteur de production audiovisuelle, ni d'ailleurs diffuseur. Pourquoi il a choisi de le faire ? Parce que Apple Plus, a remarqué que on va dire l'investissement et la réception de ces outils informatiques étaient en train de baisser petit à petit. Il vend moins d'ordinateurs, il vend moins de téléphones. Et on arrive dans un monde où les constructeurs n'ont plus beaucoup, on va dire, de rentabilité. Ce qui est rentable aujourd'hui, c'est les services. Et donc, le service d'Apple que veut proposer, c'est Apple Plus, c'est la production du visuel, il s'est lancé dans le marché. Voilà pour un rapide contexte. Qui sont les perdants de cette guerre des plateformes, qui vont subir un petit peu cette multiplication? Ça va être principalement peut-être la télévision. Alors, on dit souvent à chaque fois qu'un nouveau média apparaît, un nouveau médium apparaît, que c'est la mort de l'ancien. La télévision a annoncé la mort de la radio, la télévision a annoncé la mort du cinéma, Netflix a annoncé la mort du cinéma. À ce que je sache, la radio existe toujours, la télévision aussi, le cinéma fait des scores extraordinaires. On pourrait en parler sur quel film fait des scores extraordinaires, mais il y a quand même des scores extraordinaires, pardon. Donc je ne crois pas tout de suite à dire la télévision va disparaître au profit des plateformes. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible aujourd'hui. Est-ce qu'elle est vouée à disparaître ? Un peu aussi. Évidemment, la radio, depuis le début de la radiotransmission, a beaucoup baissé. Elle s'est raccrochée sur des éléments de niche. Elle s'est raccrochée aussi sur une génération qui n'avait connu que la radio et qui donc n'a pas perdu cet usage de cet outil. Est-ce que les générations qui vont naître maintenant, qui naîtront à partir de 2020, auront un intérêt à arriver à 18, 19, 20 ans, quand ils pourront vraiment consommer, à utiliser la radio ? Et ça paraît quand même improbable. La télévision, néanmoins, subsiste et devrait subsister parce qu'elle n'a pas forcément les mêmes logiques que le streaming. Netflix, etc., propose un grand nombre de contenus que vous allez pouvoir binge-watcher, comme le veut l'expression. Vous allez regarder, je ne sais pas, la série Gilmore Girls pendant 3 saisons, et vous allez être chez vous, tranquillement, sur votre canapé, sous une couette, et vous allez être dans une forme d'individualité du visionnage de cette série. La télévision a tendance à créer des rendez-vous, à créer une grande messe, comme on l'appelle dans le secteur audiovisuel, c'est-à-dire de réunir autour de la télévision, virtuellement, un nombre de gens extraordinaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6 millions pour la belle époque. On retrouve 6 millions qui sont tous en même temps devant la même émission, devant la même chaîne de télévision. Et donc ça crée ce qu'on appelle un public captif. Et ce public captif, pendant très longtemps, fait la richesse des patrons de chaîne, des régies publicitaires, etc. Ce public captif-là, les plateformes de streaming ne peuvent pas l'avoir. Pourquoi ? Parce qu'elles ont fait le choix, presque toutes, de rentrer dans une forme de consommation rapide des produits audiovisuels. Au lieu de vous donner, comme le fait une chaîne de télévision, un épisode par semaine, un peu vous sevrer un petit peu de vos séries, elle va vous donner l'ensemble de la saison d'un coup, et donc vous allez pouvoir, en un week-end, vous faire toute la saison, alors qu'il vous faudrait peut-être 3, 4, 5, 6 mois pour une série plus classique, pour la regarder tranquillement devant la télévision. Donc, la façon dont on consomme les produits audiovisuels ont totalement changé. Vous avez d'un côté une génération qui est attachée à cette grande messe, à s'asseoir en famille ou tout seul, mais faire partie de cette communauté virtuelle qu'on retrouve au cinéma. Au cinéma, vous allez vous asseoir à côté de gens que vous ne connaissez pas, vous allez regarder la même chose pendant 1h30. C'est à peu près la même chose pour la télévision, sauf que vous êtes virtuellement assis à côté les uns des autres. Donc certains tiennent encore à cette messe. Hein, on voit, c'est quand même un public plutôt âgé, on est quand même plutôt sur une tranche d'âge d'allon de 50 ans à 70 à 80, et donc ce public-là souhaite garder cette tradition-là. Malheureusement, ce public a vocation, et c'est très la tristesse de la vie, à disparaître au fur et à mesure, puisque la démographie va faire que plus de jeunes vont arriver, et les jeunes d'aujourd'hui vont devenir les vieux de demain. Alors que les jeunes, on va dire de 15 à 35 ans, 40 ans, ont, eux, plutôt tendance à regarder leurs séries, leurs films sur des plateformes, et ainsi ont l'habitude de ne plus faire partie de cette communauté. Donc, dire tout de suite que les chaînes de télévision vont disparaître au profit des plateformes de streaming est aujourd'hui faux, évidemment. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, il y aura toujours des chaînes de télévision, parce que l'information passe aussi d'abord par là, parce que le sport passe encore aussi par là, qui sont des éléments importants. Mais il est évident de penser que si on continue à avoir une offre importante et intéressante de streaming, que cette évolution, ce choc des titans que vous évoquiez, ne tue pas le marché, parce que c'est aussi un risque de bloquer le marché avec trop de contenu, il est évident que dans les générations à venir, peut-être pas la mienne, peut-être pas la vôtre, peut-être pas celle de vos enfants, mais la génération suivante, peut-être vivra-t-elle dans un monde non pas sans télévision l'objet, puisque la télévision, je pense, va continuer à exister sous une forme ou une autre, mais n'aura plus les chaînes de télévision classiques, la télévision linéaire et ce genre d'habitude que nous connaissons aujourd'hui parce que nous sommes nés dans un monde qui existe avec celle-ci, mais dans un nouveau monde ou malheureusement ne connaîtra pas les contours de comment, pourquoi et chez qui nous regarderons nos produits audiovisuels préférés. Merci beaucoup, Monsieur Jazouli, pour cette chronique riche en informations. Nous allons maintenant passer à quelques questions qui peuvent se poser à travers tous les enjeux numériques et sociétaux que vous nous avez exposés. On va donc commencer par vous en poser quelques-unes. Bonsoir. Et merci pour votre présentation. Pour la partie entretien, c'est moi qui vais reprendre le flambeau. Ce petit moi, c'est Judith, également étudiante en master de droit des médias. Et c'est moi qui vais m'occuper de poser les questions. En 2014, Reed Hastings disait « La télévision linéaire va encore durer un peu grâce au sport, dont la fin n'est jamais écrite. Mais elle aura disparu dans 20 ans, car tout sera disponible sur Internet. » Donc ça, c'est les propos du PDG de Netflix. Vous, comment vous pensez que la télé peut survivre? Est-ce qu'elle va disparaître vraiment dans 20 ans, ou est-ce qu'il y a des solutions à avoir? Comme je l'évoquais, je pense qu'il faut différencier la télévision, l'objet, et la télévision, ce qu'on regarde dedans. La télévision, l'objet, je ne pense pas qu'elle va disparaître dans 20 ans. Je pense qu'elle va s'améliorer jusqu'au moment où elle va disparaître au profit des vidéoprojecteurs de haute qualité, etc., qui vont se démocratiser. Si on parle du contenant de la télévision, je pense qu'elle ne disparaîtra pas, ça ne disparaîtra pas non plus dans 20 ans, parce que 20 ans est une période très courte, finalement, pour qu'elle disparaisse. Dans 20 ans, les personnes qui ont entre 60 et 70 ans seront encore en vie. Et elles auront toujours cette envie de regarder la télévision. Vous ne pouvez pas demander à une personne qui a 70-80 ans de se mettre tout de suite à Netflix, de tout de suite à Amazon, parce que c'est contre leur idée, non, mais contre leurs habitudes, et les habitudes sont importantes. Je pense néanmoins que dans 2-3 générations, la télévision telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire la c'est-à-dire la télévision linéaire, disparaîtra évidemment au profit de la télévision non linéaire, parce que les habitudes auront tant changé que les générations seront nées en fait avec cette habitude-là. Je pense que la télévision, donc celle-ci, va disparaître. Comment elle pourrait-elle faire pour ne pas disparaître? Je ne vais pas donner de conseils parce que je suis plutôt pour sa disparition, au final. Mais en effet, le sport et l'information restent les deux principaux éléments qui font l'essence de la télévision classique. Et donc, ce sera à ces deux éléments de se faire violence pour continuer à donner envie de regarder la télévision. Même si le sport, petit à petit, disparaît de la télévision pour rejoindre les réseaux sociaux. On sait que Facebook est très intéressé par racheter les droits de la Ligue 1. Et la formation, c'est que les jeunes aujourd'hui ne s'intéressent plus à l'information télévisuelle, mais à l'information par les sites internet, par les réseaux sociaux. Parce qu'une des questions qui peut se poser du coup, c'est que si le JT disparaît, si la presse écrite est en train de disparaître, quels sont les vecteurs d'information? On sait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des fake news, d'internet. Donc comment vous pensez que ça va évoluer, cette transmission d'informations, pour que les générations futures ne soient pas baignées dans des news qu'elles ont vues dans un fil d'actualité ou dans un thread? Mais je ne pense pas que le JT va disparaître, je ne pense pas que la presse va disparaître non plus. Je pense que la presse, elle a déjà d'ailleurs entamé cette évolution, va transposer du papier à l'immatériel, au numérique. Je pense qu'on le voit avec le site du Monde qui fonctionne bien en ce sens, on voit avec le site de France Info qui fonctionne bien en ce sens aussi. On a de l'information vérifiée, concrète, parfois politisée, si on le souhaite, sur Internet, et on n'a pas besoin d'aller chercher sur les réseaux sociaux telle ou telle information. Pareil pour les JT, ce que je dis qui va disparaître, c'est le caractère linéaire de la télévision. Mais un JT peut exister en dehors de 20 heures. Un JT, enfin, en Belgique, par exemple, le JT est à 18 ou 19 heures. Dans d'autres pays, il l'est plus tard ou plus tôt. Ça ne change rien. On va pouvoir, par exemple, demain, le JT de Jean-Pierre Foucault, pas Jean-Pierre Foucault, Jean-Pierre Pernaut, pardon, pourrait être sur YouTube et plus sur TF1. Et bah, les personnes iraient quand même, s'ils le souhaitent, aller voir comment se passent les éleveurs de chèvres en Larzac, s'ils le souhaitent, et de manière non linéaire. Pour revenir sur les plateformes et du coup cette guerre des plateformes, on se demandait, et c'est un peu l'objet de cet épisode, de savoir quelles sont les réelles victimes. Il y a une des inquiétudes qui revient beaucoup, c'est celle de la qualité des programmes qui vont nous être proposés dans le futur. Parce que cette guerre des plateformes, c'est avant tout une guerre économique entre plusieurs géants et absolument pas une guerre de qualité ou d'amateurs de cinéma. Donc qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Je pense que ce n'est pas vrai. Enfin, j'ai tendance à croire, et parce que c'est peut-être un prisme libéral que je peux avoir, que la concurrence permet toujours à mieux pour la qualité et pour le téléspectateur. Je pense que la télévision classique s'en sort mieux aujourd'hui en termes de qualité qu'à l'époque de l'ORTF. Je pense que Netflix s'en sortira peut-être mieux demain avec Disney+, Amazon, etc. qui essayent de le challenger un peu. Je pense aussi que les nouvelles plateformes ont démontré quand même de cette capacité à innover. On l'a vu, je pense à Bandersnatch par exemple sur Netflix, qui est loin d'être un bon film, mais qui a un caractère innovant du choix. Un peu ça me rappelle le livre dont vous êtes le héros quand j'étais petit. On voit aussi que les plateformes sont souvent des espaces de liberté par rapport au cinéma classique et à la télévision. Le dernier Scorsese, dont on parle beaucoup en ce moment, n'existe que parce que Netflix a bien voulu le financer, alors que Martin Scorsese n'a pas réussi à le faire financer dans les réseaux classiques. Je pense que cet espace de liberté a permis et va permettre à certains créateurs qui n'auraient pas pu, dans le schéma classique, se faire financer leur production, d'exister et de proposer de nouvelles choses. Je pense qu'on l'a beaucoup vu ces derniers mois, ces dernières années, sur Netflix et même sur Amazon Prime Video, qui a tenté des choses en termes de ton qui sont assez différentes. Et je pense que l'évolution va faire que tout le monde va essayer de se mettre au niveau. Et c'est plutôt une bonne chose. Parce que justement, dans une logique libérale, quand on voit par exemple l'investissement énorme qu'a mis Apple TV dans The Morning Show pour avoir Jennifer Aniston, pour avoir des grosses têtes, le nouveau film de Scorsese, il a quand même un casting incroyable. On a l'impression que c'est beaucoup, beaucoup de paillettes, beaucoup de Hollywood, mais que les petits réalisateurs ou les films avec un peu moins gros budget ou alors un casting beaucoup plus modeste n'arriveraient jamais sur ces plateformes. Quand je parle de qualité, c'est vraiment des inquiétudes qui ont par exemple émergé quand Cannes a refusé un film de Netflix à Cannes. Donc cette peur qu'ont les gens du cinéma que les grosses plateformes, dans des logiques libérales et de binge-watching, ne vont pas forcément favoriser la qualité du contenu. Évidemment, mais Scorsese peut faire de mauvais films. Il l'a montré, Silence n'est pas un film extraordinaire de Scorsese. Pour reprendre votre question depuis le début, d'abord sur la logique, je dirais, capitalistique et la logique commerciale des plateformes. Évidemment, il y a une logique capitalistique et commerciale. Mais comme la télévision a une logique capitalistique et commerciale, comme TF1 a une logique capitalistique et commerciale, comme Gaumont et Pathé, qui sont les deux principaux financeurs en dehors du CNC du cinéma français, ils ont une logique commerciale. Et donc, quand vous allez voir bientôt La Retraite avec Thierry Lhermitte et Michel Larocque au cinéma en ce moment, c'est pour attirer un public, c'est pour faire de l'argent, etc., etc. Donc, je ne pense pas qu'il faille se poser la question de savoir est-ce que leur logique est de gagner de l'argent. Il n'y a pas de question à se poser. Oui. Est-ce que vouloir gagner de l'argent est forcément antinomique à faire de la qualité? Je ne pense pas. Je ne parle pas de la série d'Apple, puisque je ne l'ai pas vue, malgré le fait qu'il y a Steve Carell et Jennifer Aniston, qui sont des acteurs que j'aime beaucoup. Mais pour parler simplement du dernier Scorsese, qui, pour le coup, j'ai vu, d'abord, pour prendre les acteurs, Robert De Niro est l'acteur fétiche de Martin Scorsese depuis ses débuts, et donc je trouverais ça bizarre qu'il n'y soit pas. Le film est ensuite un film très lié aux gangsters, aux films noirs des années 80-90, et d'ailleurs un hommage assumé au propre film de Scorsese, et donc ne pas y retrouver Al Pacino et Joe Pesci serait tout à fait étonnant, puisqu'ils sont deux figures importantes du film noir américain et du film de gangsters. Donc je pense bien sûr que ça fait joli Joe Pesci, Al Pacino et Robert De Niro, mais je pense que c'était surtout un choix artistique, et j'ai vu d'ailleurs une interview d'Al Pacino et de Niro qui disaient qu'eux-mêmes, avec Martin Scorsese, étaient à la base du projet, ils voulaient faire ce projet, ils n'avaient pas réussi à être financés, et Netflix est arrivé en disant « voilà un chèque, faites ce que vous voulez ». Donc je pense que cet espace de liberté existe toujours, je pense aussi que Netflix a permis à certains films d'être diffusés, non pas produits, mais d'être diffusés, alors que le système de diffusion américain ou français n'a pas voulu les diffuser. Je pense à un film dont malheureusement j'arrive pas à me souvenir du nom, mais avec Natalie Portman, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui a été produit par la Paramount, et la Paramount, en voyant le film, a décidé de ne pas le diffuser en salle de cinéma, et l'envoyer directement en DVD. Netflix l'a repris, et indépendamment de ce qu'on pense du film, qui a des bons et des mauvais côtés, est un film assez audacieux, d'un réalisateur assez neuf, et qui n'aurait pas pu être diffusé par Pathé, par Gaumont, par UGC, etc. Annihilation. Annihilation, merci. Donc, tout ce genre de film. Enfin, et je vais finir par ça, parce que sinon je vais être trop long sur ma réponse, pour reprendre Cannes et Roma, ce n'est pas une question de qualité qui a fait que Roma ne soit pas, soit pas sélectionné. Non, non, c'était pas... Enfin, je voulais pas vraiment aborder Cannes dans le sens de la qualité, mais dans... Enfin, que c'était pas un choix par rapport à la qualité du film, donc comme vous apprêtiez à le dire, non, c'était parce que Roma n'était pas diffusé au cinéma et que dans ce sens-là, ça ne faisait, rentrait pas dans les critères de Cannes. Choix que la Mostra de Venise n'a pas fait. Il a d'ailleurs été récompensé là-bas. Au-delà de ça, je vais me permettre, au-delà des critères de Cannes, le fait qu'il ne soit pas exploité en salle de cinéma ne rentre pas dans les critères du droit, tout simplement, puisque au sens du droit, une œuvre cinématographique est une œuvre qui a été exploitée en salle de cinéma. Et donc, au sens du droit français en tout cas, Roma n'est pas une œuvre cinématographique. Simplement pour recontextualiser. juridiquement. Mais ça arrangeait bien Cannes, qui avait, ou au moins les protecteurs du cinéma, donc, comme par exemple le patron des salles d'art et d'essai français, qui déclarait à Télérama que Netflix faisait courir un réel danger à la diversité culturelle, et qui prenait une réelle position contre ces gros films, grosses productions Netflix, en symbole de protection de petites productions qui n'auraient peut-être pas du coup... eu les faveurs de Netflix sur leur plateforme. Évidemment, la question de diversité culturelle est complexe. Déjà, il faut se souvenir que c'est une notion plutôt française, donc je ne pense pas que les autres pays se la posent, mais indépendamment de parler de Netflix, en l'occurrence on parle d'eux parce que c'est les leaders actuellement, mais les plateformes font courir, c'est vrai, un risque à la diversité culturelle. Pourquoi ? Parce qu'ils ne financent pas particulièrement, pour le moment, la production locale. Je sais que Netflix est en train de produire plusieurs séries françaises, en tout cas avec des acteurs français, des réalisateurs français, etc. Je sais qu'il prépare quelques films aussi en français avec des réalisateurs français. Mais fondamentalement, Netflix n'est pas Canal+, Netflix n'est pas le CNC. Netflix n'a pas vocation, ni les autres d'ailleurs, à financer le cinéma français. Et donc cela pose un problème, puisque vous l'évoquez, si à la fois Netflix et les autres diminuent la puissance de frappe de la télévision, qui reste encore aujourd'hui la principale source financière du cinéma français. Et de l'autre côté, il ne compense pas cette difficulté par un financement massif du cinéma français. Donc en effet, il va être peut-être plus difficile demain, avec cette économie des plateformes, de faire du cinéma en France. Ça reste à relativiser tout de même, puisque rappelons qu'en France, c'est le pays au monde où on peut faire un premier film le plus facilement, grâce aux aides du CNC. C'est aussi un des pays au monde où on a le plus de réseaux de cinéma, notamment à RSC, où d'autres productions en dehors de Gaumont, Pathé et UGC peuvent être diffusées assez largement dans le pays. Donc on a à la fois un pays qui est quand même très avantageux pour les jeunes réalisateurs, et à la fois un contexte économique mondial qui va faire que ça va être de plus en plus difficile de créer un film dans sa langue, dans son pays, dans sa culture. Je pense qu'il faut que nous trouvions, que les pouvoirs publics surtout, parce que nous sommes là pour réfléchir, mais vous serez les pouvoirs publics bientôt, qu'on réfléchisse à un équilibre entre un système, je dirais pas social, parce qu'il n'est pas social, mais un système culturel favorable à la création, à l'émergence d'une nouvelle vague, pour reprendre certains termes cinématographiques, mais qu'on fasse aussi attention à ne pas briser une nouvelle économie, l'économie des plateformes, sous prétexte qu'elle nous fasse peur. Je pense qu'avoir peur, c'est la pire des choses, et pour l'instant, on va sûrement parler de la législation, des règles à venir, on réagit plus par peur que pour réfléchir à demain et à quel paysage audiovisuel cinématographique on veut demain. Justement, merci pour la transition. On va parler de la future loi audiovisuelle, mais surtout de cette interview qui a été donnée par les quatre grands patrons de l'audiovisuel, donc c'est-à-dire TF1, M6, Canal+, et Altis, au Figaro. Donc c'est une interview du Figaro fin novembre. Donc les petits grands patrons trouvent la loi aveugle à leur volonté d'avoir les mêmes marges de manœuvre que ces grandes plateformes. Annonce que c'est aussi également la fin annoncée de la télé si la législation reste comme ça, qui aboutirait au maintien du leadership des grands méchants de plateforme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense d'abord que c'est toujours très drôle quand Nicolas Tavernot et Maxime Sada se mettent dans la position des trois petits cochons devant le loup, puisque pendant très très longtemps, ils ont été le loup, et cette fois-ci, ils se font un peu manger. Le vrai problème de la télévision classique, d'un point de vue juridique, c'est qu'ils ne jouent pas avec les mêmes règles que les plateformes numériques. Les plateformes numériques bénéficient, grâce ou à cause, on ne sait pas, d'un manque d'encadrement juridique, d'un flou qui leur permet de faire plus ou moins ce qu'ils veulent pour le moment. avec aucune régulation, avec aucune obligation particulière, sauf peut-être celle des quotas, mais qu'ils appliquent déjà au final. Et aujourd'hui, on se retrouve à un niveau d'incompréhension tel qu'au lieu de réfléchir à comment faire pour que ces acteurs-là, qu'on n'arrive pas à attraper, acceptent de se faire réguler quelque part, dans une forme de co-régulation ensemble, pour délimiter les règles pérennes du secteur. On n'arrive tellement pas à comprendre ça, à essayer d'admettre ça, que les acteurs de la télévision classique disent bah, « si on ne peut pas jouer dans les mêmes règles, si eux n'ont pas de règles et nous on a des règles, bah, enlevez-nous les règles, comme ça on jouerait au même niveau ». Donc finalement c'est de la dérégulation totale, c'est de la déréglementation partout, et sous prétexte que quelqu'un d'autre fait quelque chose de mal mais qu'on ne peut rien y faire, il faudrait que nous, on accepte de laisser nos acteurs faire quelque chose de mal également. Ce serait comme si, je ne sais pas, le meurtre n'était pas sanctionné dans un pays voisin, et que certains concitoyens français diraient bah, « Attendez, en Belgique, on peut tuer des gens dans la rue. » Enfin, je comprends pas. Et on leur disait « Bon, bah, d'accord, vous pouvez tuer des gens parce qu'en Belgique, on peut le faire. » Ben non. C'est-à-dire qu'en France, on a des règles et il faut les accepter. Maintenant qu'on aménage un petit peu ces règles parce qu'elles sont vieilles, parce qu'elles n'ont pas encore accepté, comprise la révolution numérique avec un grand R, j'y tiens, ça, c'est sûr, il faudrait le faire. Mais de là à ouvrir les portes, je pense, de la publicité ciblée, de l'absence de contrôle et de sur le cinéma français, de financement, la baisse des obligations de financement du cinéma français, là, j'ai un vrai problème. Malheureusement, je pense que ces quatre personnages ont beaucoup plus d'influence que moi et qu'ils arriveront, j'imagine, à avoir ce qu'ils veulent, puisque notre politique actuelle a tendance à aller dans leur sens. Je voulais aussi revenir, enfin, pas revenir, mais aussi parler un peu de concurrence et peut-être s'élever au niveau européen. Dans une interview du journal Ouzbek Erika, Alain Lodiberdé, économiste et auteur du livre « La nouvelle économie de l'audiovisuel », proposer la création d'un Netflix européen pour faire face aux Américains. Vous pensez que c'est possible ? Ça dépend ce qu'on appelle Netflix européen. Juste ça. Vous parliez de Salto en début de podcast. Salto, c'est une tentative de Netflix français, déjà. C'est de dire, bon, ben venez, on n'arrive pas à se battre individuellement, on se met ensemble pour essayer de se battre. Si un Netflix européen, c'est... je sais pas, la RAI italienne, la BBC anglaise, TF1 France 2 en France, etc., qui se joignent et qui proposent simplement un service de replay de leur service, ça n'a absolument aucun intérêt. C'est-à-dire qu'ils n'arriveront jamais à rien. Si on commence à réfléchir à pourquoi pas créer un CNC européen qui finance une production européenne qui serait diffusée sur un Netflix européen, là, on commence à discuter. Parce que tout seul, la France, l'Angleterre, etc., on représente rien finalement. Quoique en France, on représente pour Netflix une belle base, mais peu importe. On représente pas grand-chose. Par contre, au niveau de l'Union européenne, là, pour le coup, on a un poids économique. Et je pense que si on se met tous ensemble autour de la table et qu'on ne soit pas simplement dans la rediffusion en replay des services de chacun, et qu'on est vraiment dans la production, je sais pas... Nous, on le fait avec les Allemands sur Arte franco-allemande, mais on pourrait faire de l'italiano-anglais, s'il reste en Europe, évidemment, du belgeo-ukrainien, je ne sais pas. Il faudrait que nous arrivions à faire ça. Et si nous arrivons à mettre en commun les moyens de financement du cinéma et de l'audiovisuel, je pense que là, vraiment, on a une chance. Mais est-ce que la réalité politique s'accordera avec ça ? Je ne suis pas sûr. Merci beaucoup pour toutes les réponses que vous avez pu donner. J'ai une dernière question donc pour nos auditeurs et nos auditrices. Avez-vous un film, un livre, une série à proposer, que ce soit sur Netflix ou même Apple TV ou la télé? Je vais proposer du coup une série de livres et une série, puisque la semaine prochaine sort sur Netflix la série The Witcher, et étant... extraordinairement fan de cette saga, je vous proposerai d'aller lire toute la saga du sorceleur de... Alors je vais mal le prononcer parce qu'il est polonais et il a un nom imprononçable, Andrzej Sapkowski, et d'aller jouer aussi aux trois jeux vidéo The Witcher qui sont sortis, qui sont surtout le troisième qui est extraordinaire. Donc la série de Netflix la semaine prochaine, les livres qui sont déjà sortis et les jeux vidéo qui sont déjà sortis aussi. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter le premier épisode de MMB. On remercie Monsieur Jazouli d'avoir accepté d'être notre cobaye pour ce premier épisode. On espère vous retrouver très bientôt, chers auditeurs et chères auditrices. Ce podcast est rendu possible par le Centre audiovisuel et multimédia de l'Université Toulousain Capitole qui nous prête son aide technique et ses locaux. On les remercie chaleureusement.